tout ce que tu disais. Tu savais si bien les mots, je t'écoutais. Cette maison tant rêvée, perdue dans les bois, tu n'en parles plus, m'aurais-tu trahi? Pourquoi? Je croyais, tu me grisais d'un espoir qui me donnait chaque jour et chaque soir. Du bonheur à ta dorée, près de toi j'ai rêvé. Je croyais, car je t'aimais.